Du coup, merci. Comme ça, votre communication permet en fait d'incarner un peu plus le propos que je vais tenir, surtout pour les gens, enfin pour ceux qui ne connaissent pas l'univers religieux qui est apparu complètement exotique. Et donc la communication originelle que je pensais faire était tant religieux, tant du soin, le quotidien des sœurs soignantes. Okay. Au 19e siècle. Toutes les deux déstabilisées d'intitulé. Voilà. Et en fait, parce que j'avais des idées liées à mes précédentes recherches et lectures, et puis quelque chose qui semblait relever de l'évidence. Et en faisant cette recherche, je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait peut-être pas. Donc mon propos sera à la fois une étude du quotidien et de la routine, mais aussi une mise en abîme du processus de recherche et de questions qu'on peut être amené à soulever quand on travaille sur le monde religieux. Alors pour situer plus précisément, je vais parler principalement des Filles de la Charité, fondées par Vincent de Paul et Louise de Marillac en 1633. C'est la première congrégation du 19e siècle, donc un contexte pareil d'homo-société de femmes. C'est une congrégation à vœux simples, donc à l'inverse des contemplatives, ce ne sont pas des religieuses, elles ne prononcent pas de vœux de religion qui les séparent du monde civil, puisqu'elles restent pour le droit canon des laïcs. Elles ne sont pas cloîtrées. Et c'était une différence qui était voulue par Vincent de Paul pour qu'elles puissent aller au domicile des pauvres, travailler dans les paroisses, dans les hôpitaux, etc. Donc elles n'ont pas une vie régulière, en ce sens-là. Pourtant, elles ont une règle et elles ont un idéal de la règle. Et c'était flagrant, enfin c'était extrêmement voulu par Vincent de Paul lorsqu'il avait défini sa compagnie, puisqu'il disait « Elles auront pour monastère la maison des malades, pour cellule une chambre de louage, pour chapelle l'église de leur paroisse, pour cloître les rues de la ville, pour clôture l'obéissance, donc il y a des valeurs en fait, qui reprennent les mêmes notions que dans le monde religieux, pour grille la crainte de Dieu, pour voile la sainte modestie. » Donc en fait, voilà, il y a des attitudes qui correspondent à des modèles religieux. Et le modèle carmélitain est présent, puisque, donc, ne serait-ce que dans Vincent de Paul, il est assez nourri de Thérèse d'Avila et il en parle beaucoup. Et puis au 19e siècle, le modèle carmélitain revient en force, surtout dans la seconde moitié du siècle. On peut le voir dans la littérature avec la figure de Calixte dans Barbé d'Aurevilly, un prêtre marié, ou même chez les sœurs, puisque beaucoup des Filles de la Charité, en tout cas plusieurs d'entre elles, hésitent entre le Carmel, un ordre contemplatif, très cloîtré, et la vie apostolique chez les Filles de la Charité. Donc les Filles de la Charité, c'est une vie en apparence moins austère, mais qui garde toujours un idéal de vie religieuse, plus du travail. Alors, en ce qui concerne les classes populaires, au XIXe siècle, on ne peut pas connaître l'origine sociale de toutes les sœurs, mais globalement, il y a une démocratisation du recrutement, et si le recrutement reste ouvert sur l'ensemble des catégories sociales chez les Filles de la Charité, il y a une démocratisation avec une forte entrée du monde paysan, et en fait des couches un peu plus... basse, en fait, pourrait-on dire, de chaque domaine d'activité. Les Filles de la Charité sont, elles, au contact avec les pauvres, mais c'est une question que je vais finalement peu interroger ici, puisque je vais surtout me centrer sur celle du quotidien et de la routine. A priori, elle me paraissait assez pertinente, puisque la question du temps est très présente dans le christianisme, qui est quand même une religion de la répétition, la liturgie revient régulièrement, et puis le temps annuel est très scandé, et rythmé et répété. Par ailleurs, les sœurs, qu'elles soient dans des communautés cloîtrées ou non, ont une règle qui délimite plus ou moins formellement leur rapport au temps, mais aussi l'emploi de leur journée, de leur semaine, des mois et de l'année. Alors je ne vais pas étudier le rapport au temps des religieuses, mais plutôt voir leur application au quotidien, et essayer de voir comment elles s'approprient en fait ces règles et ces normes. Donc, votre titre m'avait un petit peu aiguillé, je me suis rendu compte en fait qu'en travaillant au quotidien, on pouvait interroger la norme et la pratique dans l'institution religieuse. Alors juste pour les sources... moi, j'ai un corpus normatif, donc les règles communes des Filles de la Charité, qui date du XVIIe, XVIIIe siècle, qui a été en partie complété, et le coutumier du XIXe siècle. J'ai également des sources de la pratique, qui sont les comptes rendus des visites régulières. En fait, c'est dans chaque maison ou établissement, quand il y avait un problème ou de temps en temps, une supérieure de la compagnie venait faire une visite, un contrôle, et ensuite faisait un courrier sur l'état de la maison, l'état du personnel, l'état du spirituel. Et en gros, ça durait un jour, elle interrogeait les sœurs, elle faisait une synthèse qu'elle donnait à la maison mère, et ensuite elle faisait un courrier aux sœurs de la maison pour leur donner des recommandations. Donc j'ai deux gros registres sur toutes les maisons de Paris au milieu des années 1850, et un ensemble de liasses pour la fin du siècle. Et d'habitude, quand je travaille, je vais voir les dictionnaires religieux, Et en fait, je me suis rendu compte qu'ici, aussi bien dans le dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique ou dans le dictionnaire de théologie, il n'y avait pas de mention d'article sur la régularité, par exemple. Alors que c'est quand même un terme qui revient assez fréquemment et qui est un peu le terme religieux que j'avais dans ma tête associé à l'idée de routine. Donc en fait, interroger la routine pour le monde religieux, je me suis rendu compte que c'était pas une notion claire et qu'on pouvait l'investir de différents sens. Donc je vais avoir trois plans. Le premier va être plutôt une mise en abyme de la recherche pour voir les questionnements que ça pouvait poser à partir de cette alternance temps religieux, temps du soin. Dans un deuxième temps, j'étudierai plutôt les cadres temporels qui sont les conditions de possibilité de la routine. Et dans un troisième temps, je verrai les tensions entre la notion de régularité et la notion de routine et du coup les sens qui sont investis à la routine. Donc la première partie, qui correspond un peu au parcours d'une recherche, repose dans un premier temps sur mon idée originelle qui était « temps religieux, temps du soin ». Pour des communautés apostoliques, il apparaissait un peu évident que leur temps était réparti entre ces deux types d'activités. Puisque sur, lors de mes recherches, j'avais observé ce rapport au temps et je pensais pouvoir en faire un objet en soi. Je l'avais vu dans les rapports des sœurs avec les malades, puisque le temps était une dimension explicative du soin. Les sœurs font des rondes dans les hôpitaux, ont une présence quotidienne auprès des malades. Elles les soignent, leur distribuent des médicaments, les changent. Et ça a une fonction de surveillance, de meilleure connaissance des malades pour faire un soin, ou en tout cas une surveillance accrue. Dans un travail sur les pratiques de l'espace hospitalier par les sœurs, il était possible d'articuler les pratiques du temps et de l'espace qui permettent de circonscrire la vie religieuse et la vie apostolique de soins. En fait, l'hôpital au XIXe siècle est un espace hors du temps, qui est réglé par les activités quotidiennes répétées, et la vie des sœurs est doublement conditionnée par les règlements religieux et leurs tâches hospitalières. Donc les temps de la vie religieuse qui astreignent les sœurs à la vie en communauté et à la prière sont inscrits dans des espaces réservés. Et en fait, les règlements vont déterminer l'emploi des heures, le service de l'hôpital et des pauvres. Alors ça peut varier en fonction des ordres, mais généralement il y a les temps de visite aux salles des malades, puis les temps de prière à la chapelle, les temps de communauté au réfectoire. Et globalement, il n'y a aucun temps vide qui est laissé aux sœurs. Donc en fait, étudier l'espace me permettait de travailler sur le temps, la répartition entre les temps du soin et les temps de vie communautaire. Et globalement, on voyait que les règlements hospitaliers administratifs redoublaient les règlements des sœurs, qu'ils étaient aménagés aux besoins pour le service des malades. Donc, même si en fait, on pouvait voir que parfois, il y avait des concurrences entre les temps du soin et les temps religieux, ça pouvait fonctionner ensemble en fait, dans les hôpitaux. Et puis, de toute façon, la règle qui définit... la circulaire de 1839 qui définit le règlement et le rôle des sœurs dans les espaces hospitaliers, elle est faite en coordination avec la supérieure des filles de la charité. Donc elle est vraiment pensée pour articuler vie religieuse et service hospitalier. Alors ça, c'était la façon dont j'avais pu croiser cette question du temps et de la répartition des temps dans d'autres approches. Et après, l'imprégnation et par la fréquentation régulière des archives et des sources montraient qu'il y avait un vocabulaire de la constance, de la régularité, de l'habitude, et que les actions des sœurs étaient répétées dans le temps, chaque jour, de manière quotidienne. Et ça apparaissait fréquemment, même si ce n'est pas quelque chose que j'avais pu mesurer. Et donc, pour vous donner un exemple, il y a un extrait de la lettre de la sœur suite à la visite régulière en 1855 à la paroisse Saint-Thomas d'Aquin, qui félicite les sœurs de la façon dont elles tiennent leur maison, et les engage, et donc je cite, à ce qu'elles se renouvellent dans la pratique constante et fidèle des vertus qui composent l'esprit de notre sainte vocation, vous estimant heureuse des occasions que se rencontre d'en faire des actes, car, et là c'est important, c'est par ces actes fréquemment répétés que vous en acquérerez la sainte habitude. Continuez aussi, mes chères filles, à vous affectionner à cette ponctualité qui vous assure aussi des grâces toutes spéciales, cette exactitude qui fait tout quitter au son de la cloche. Donc on retrouve le vocabulaire de la répétition, de l'habitude, de la ponctualité, de l'exactitude, le tout rythmé par la cloche. Donc la régularité, elle sert... Enfin, les horaires sont déterminés, les règles doivent être respectées, et il y a différentes visées qui sont à la fois matérielles et spirituelles. Ça doit permettre l'avancement de la sœur, dans sa vie spirituelle. Ça doit aussi permettre le bon fonctionnement de la vie communautaire. Et puis dans la vie pratique, les règles sont pensées pour alterner les temps de repos et les temps d'action. En fait, l'idée, c'est de pouvoir soutenir la fatigue. Ça fait écho au travail de Mathieu Bréjon de Lavernier sur les filles de la charité pour l'Ancien Régime, Et un de ses chapitres qu'il a appelé « Le poids des jours », où en fait, il montre comment une journée type d'une fille de la charité est organisée. Alors, il fait référence notamment aux règles communes des filles de la charité. Il y a tout un chapitre qui est sur l'emploi de leur journée. Donc, c'est le chapitre 9 qui essaie de maintenir l'équilibre entre une vie contemplative et une vie active. Donc, on voit par exemple qu'il y a le lever de 4 heures, offrir ses pensées et sa journée à Dieu, les prières en commun à 4h30, les exercices du matin, l'oraison, ensuite différentes activités que les sœurs doivent faire, puis la messe, puis le temps au réfectoire, l'emploi, le déjeuner, les examens. Donc, il y a comme ça, toute la journée est extrêmement rythmée par l'alternance des temps de prière, des temps communautaires et des temps de service. La cloche est là pour appeler les sœurs aux exercices. Donc voilà, ces chapitres sont assez détaillés. Et il est rappelé que les sœurs feront grand état de leurs règles. Il y a quelques différences pour les jours de dimanche, les jours de fête. Mais en fait, dans l'ensemble, tout est... la journée, elle est intégralement... pensée, et aucun temps n'est laissé libre ou vacant, puisque remplir le temps permet il y a une vision négative du temps libre et du temps qui serait perdu. Et en fait, ça rejoint une conception qui est assez quand même présente au 19e siècle, que ce soit dans les classes supérieures, on considère que le temps libre laisse la porte ouverte à l'ennui et à la mélancolie, d'autant plus pour les femmes, parce que ça peut donner naissance à un ensemble de maladies. Et pour les classes laborieuses, il faut maîtriser leur temps libre pour maîtriser leur risque d'animalité. Enfin, c'est les travaux, je fais référence aux travaux d'Alain Corbin. Donc, pour les sœurs des hôpitaux, il y a cette nécessité d'articuler le soin et la vie religieuse. Et donc, chez les filles de la charité, il y a des règles encore plus précises pour les sœurs des hôpitaux et des paroisses. Et là, on voit clairement la prédominance du service des pauvres sur le temps réservé à la prière et aux offices, avec une exception qui est celle de l'oraison. Donc, je vais vous citer différents passages des règles. Par exemple, pour les sœurs des paroisses, on dit qu'elles doivent régler leur temps et leurs exercices selon que le nombre et le besoin des malades sera grand ou petit. Et elles feront une attention toute particulière aux autres articles de leurs règles communes qu'ils regardent particulièrement, surtout au suivant, savoir préférer le service des pauvres malades à tout autre exercice, soit corporel, soit spirituel, et ne faire point de scrupule d'avancer ou de différer tout pour cela, pourvu que ce soit la nécessité pressante des malades. Donc là, il y a une injonction aux soins et au service des malades, et finalement, le temps religieux doit être aménagé en fonction de la nécessité des malades. Donc il détaille comme ça là, énormément de cas. Et finalement, on a plutôt l'impression que les temps de prière s'insèrent dans leur emploi du temps. Néanmoins, il y a toujours une forte dimension religieuse dans les soins qu'elles doivent donner aux malades, puisqu'elles doivent leur apporter des secours à la fois matériels et spirituels. Dans les règles des filles de la charité pour qu'elles puissent, les moyens dont elles doivent user pour s'acquitter de leurs devoirs dans les hôtels-dieux et les hôpitaux, le règlement est extrêmement précis. Par exemple, il dit à 4h15, celle qui est en semaine pour la cuisine va allumer le feu sous la marmite. À 4h15, celles qui sont nommées pour donner les bouillons ou autres besoins aux plus débiles et aux moribonds s'y en iront, après qu'on aura fait la lecture du point de l'oraison mentale. À 6h, elles prendront chacune un petit morceau de pain. À 7h au plus tard, une sœur donnera aux malades de l'eau bénite, etc. Elles iront ensuite tout entendre la Sainte Messe. Donc, dans leur journée, elles alternent, elles vont dire leur chapelet, elles retournent préparer les besoins des pauvres malades. Et alors, il y a des passages intéressants. Par exemple, au premier sommeil des malades, elles achèveront leur chapelet et passeront la nuit en veillant, lisant, sommeillant parfois, tandis que les malades reposeront. À 3h30 du matin, les veilleuses feront leur oraison jusqu'à 4 si elles ne l'ont faite plus tôt. Et quand elles sont remplacées, les sœurs qui viennent feront leur oraison en la même manière et pendant le même temps que la communauté, si ce n'est que leur présence fut nécessaire à quelques malades. Auquel cas, elles sauront que le service qu'elles rendent aux malades est une continuelle oraison devant Dieu. L'oraison, c'est une ouverture à Dieu, c'est une forme de prière où il n'y a pas, où on ne récite pas une prière. Voilà. C'est silencieux. Voilà. Parce qu'en fait, c'est même silencieux, mais même en termes de mots, puisque une prière qu'on dit tout vocale, c'est une prière où on répète des paroles, mais on peut ne pas la dire à voix haute. Et l'oraison, en fait, voilà, c'est ça. C'est plutôt une ouverture de cœur à Dieu et un dialogue. Une méditation. Ouais. Là, c'est la règle du XVIIe siècle, c'est pas la pratique du Alors, c'est la règle du XVIIe siècle, mais elle est recopiée dans les règles des maisons qui sont au XIXe siècle. C'est la règle, c'est pas... C'est la règle. Là, on est dans la règle, pour l'instant. La règle, elle définit tous les aspects du soin aux malades, de l'organisation de l'intendance, avec les exercices spirituels. On voit qu'en fait, dans une même communauté, il n'y a pas d'uniformité forcément des pratiques, puisque c'est assigné en fonction de la tâche de chaque sœur. Et donc, les emplois du temps peuvent être décalés en fonction des tâches qu'elles ont à accomplir. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est que la tâche envers les malades est une oraison. Donc, il n'y a pas forcément de concurrence entre l'exercice spirituel et le soin, puisque les deux peuvent se faire au même moment. Par contre, il y a une importance de la régularité et de la quotidienneté des actions, de la répétition, et surtout, constamment dans la journée, elles doivent se remettre en présence de Dieu. Donc, les actions sont répétées chaque jour, et en plus, dans la journée, on doit perpétuellement se remettre en présence de Dieu. Du coup, l'idée qu'on pouvait trouver, c'est qu'il n'y avait pas tant de dissociation entre le service et la prière, surtout si on pense à cette pratique de l'oraison. Alors, de fait, Mathieu Bréjon montre que fin 17e, début 18e, les exercices spirituels sont négligés. Et par exemple, fin 18e siècle, les sœurs se révoltent contre l'heure du lever nécessaire à l'oraison. Enfin, on fait lever un peu trop tôt, ça ne va pas. Donc, les archives de la pratique, je vais peut-être passer là-dessus. Mais en fait, en gros, dans la pratique, on peut trouver des sources qui montrent des approches conflictuelles entre les temps religieux et les temps du soin. Alors que ce soit du côté administratif, j'avais retrouvé une lettre du directeur de l'hospice des Incurables à Paris, qui est tenu par les filles de la Charité, en 1861, où il mentionne « Les sœurs qui sont surveillantes de salle des valides les quittent à l'heure de leur dîner de 5h30 à 6h du soir et n'y reviennent plus que le lendemain matin. À partir de 6h du soir jusqu'au matin, les admis ne sont donc soumis à aucune surveillance. Aussi en résulte-t-il souvent de graves inconvénients. » Donc là, on voit que les dispositions pour la vie communautaire des sœurs pose problème en fait à la gestion administrative et de surveillance de l'hospice. Donc finalement, en dépit des textes théoriques, il y a une vraie question, celle de la répartition des temps du soin et de la prière. Et pour les sœurs, ça peut être aussi un problème. Alors là, je voulais préciser que c'était une tension propre aux communautés apostoliques, dont la vie n'est pas structurée autour de la prière, par exemple à la différence des contemplatives, puisque dans, par exemple, au Carmel, la vie quotidienne, elle est structurée par l'oraison et la récitation de l'office. Alors que chez les filles de la charité, elle est structurée par leur travail, en fait. Et dans les ordres contemplatifs, la valorisation de la prière, elle est permise parce qu'il existe des sœurs converses, c'est-à-dire des sœurs un peu moindres, en gros de domestiques, qui vont faire toutes les tâches pendant que les autres vont aller prier. Chez les filles de la charité, on pouvait avoir cette tentation parfois de préférer la vie contemplative et les dévotions sur le service des pauvres. Ça existait dès l'époque de Louise de Marillac et de Vincent de Paul. Par ailleurs, dans leur vie quotidienne, on voit que les sœurs peuvent manquer de temps pour leur vie religieuse. En 1855, sur la paroisse de Sainte-Madeleine, les sœurs des malades se plaignent parce qu'elles n'ont pas le temps de s'occuper du spirituel des pauvres. Et elles sont, je cite, « obligées d'abandonner parce que n'ayant pas le concours de leur sœur servante, c'est leur supérieure, elles ne peuvent disposer de leur temps pour suivre en ce point l'impulsion de leur zèle. » Ça veut dire qu'elles aimeraient consacrer davantage de temps à leur service à dimension spirituelle, mais la sœur servante les en empêche. Alors, je ne sais pas exactement pourquoi, sans doute parce qu'elle les assigne à des autres tâches dans la maison. Un autre exemple, dans la paroisse de Montrouge en mai 1881, donc la sœur qui fait la visite montre qu'il y a beaucoup de zèle pour les œuvres, mais on manque de régularité et d'esprit de l'État. L'État, c'est l'État religieux, en fait. C'est tout ce qui est associé à un état de vie. Il mentionne le bureau, donc c'est le bureau de bienfaisance, étant éloigné, toutes les allées et venues font mauvais effet et détruisent encore l'ordre de la journée. Les trois sœurs qui y sont se découragent et sont unanimes pour se plaindre qu'elles ne peuvent faire aucun exercice de piété, ayant grand nombre de pauvres à servir sans en avoir le temps. Étant employées par la sœur servante, une au lessive, une à faire ménage de la communauté, ce qui réduit à une le personnel du bureau. Et la sœur Geneviève Marsalet, qui a 28 ans, 3 ans et demi de vocation, visite des pauvres, elle est de forte santé, elle remplit bien son office et paraît pieuse, mais elle regrette de ne pouvoir faire ses exercices de piété et de suivre la règle par manque de temps. Donc, on voit bien que là, les emplois, aussi bien pour les pauvres que les emplois de la maison, ne permettent pas de prendre le temps de faire tous les exercices de piété, et certaines sœurs, en fait, s'en plaignent. Donc, il y a un ensemble de considérations qui montrent des concurrences ou des dysfonctionnements ou des insatisfactions entre le temps de la prière, le temps de la vie religieuse, et le temps des tâches quotidiennes, du ménage, du service des pauvres. Alors, du coup, les sources en parlent, on voit que cette question est présente. Pourtant, quand je suis arrivée chez les sœurs pour revoir les archives et que je leur ai posé ce titre, tant religieux, tant du soin, la première réaction, ça a été « cela ne marche pas chez nous ». Et non, non, non, non, mais pas du tout. Je dis, ah bon ? Non, non, c'est ça. Donc, on a discuté pendant 1h30. Pris du temps. Oui. Et alors, le pire, c'était quand j'ai employé le terme de routine. Ah. Et donc là, elles m'ont dit, c'est négatif, que leur vie n'était pas routinière. Leur vie est régulière, elles font l'éloge de la régularité, mais la routine est à bannir. Du coup, ça a complètement bouleversé ce que je pensais vous présenter. Et on a fini en discutant, donc en échangeant, par arriver à considérer qu'il y avait un ensemble, que l'ensemble des règles religieuses posait les conditions de possibilité d'une régularité religieuse, qui était leur idéal, mais aussi d'une routine, que dans ce cas-là, on pouvait considérer comme le dévoiement de la vie religieuse. Et donc, juste pour conclure cette première partie, on voit que la vie, elle est complètement rythmée, encadrée, que la question du temps, elle est importante, que le temps, il est désindividualisé. J'ai pensé à votre article « Pas de chambre à soi » pour les cellules. En fait, il n'y a pas de temps à soi non plus, en fait. Donc voilà, le temps, il est là pour la règle la vie en communauté. Et donc voilà, je voulais m'intéresser maintenant, peut-être interroger la routine sous un autre angle. Si pour les sœurs d'aujourd'hui, cette question de répartition du temps religieux, du temps du soin ne semble pas pertinente et que la routine est négative, alors comment est-ce qu'on peut interroger la routine finalement dans les couvents ? Donc c'est pour ça que dans un deuxième temps, je voulais parler des cadres temporels de la vie religieuse. Alors je vais très brièvement rappeler ce que vous avez évoqué, que l'entrée en religion est une rupture avec le monde civil, qui passe par un ensemble de rites, et que c'est une mort au monde, c'est une rupture sociale. On rompt avec ses attaches familiales et sociales précédant l'entrée en religion. C'est une rupture spatiale, puisqu'on passe au monde du couvent et de la clôture. C'est aussi une rupture temporelle, puisque la vie est rythmée par pour la vie communautaire, alors qu'encore au XIXe siècle, c'est une époque de l'éparpillement des usages du temps qui domine. Par exemple, les horaires de repas ne sont pas les mêmes dans les différentes régions, dans les différentes campagnes françaises, entre les villes et les campagnes, entre les classes sociales. Il ne faut pas oublier que les sœurs viennent de toute la France, donc il y a un besoin d'uniformiser les pratiques temporelles. La gestion du temps, ce n'est pas une nouveauté pour les communautés religieuses, ça existe depuis les règles primitives du Haut Moyen-Âge. Et d'ailleurs, elle sert de modèle au XIXe siècle pour imposer ce quadrillage du temps à visée disciplinaire dans les internats, les hôpitaux, les prisons, etc. La question de la maîtrise du temps, elle connaît un nouvel essor et une diffusion plus large au début du XIXe siècle. Et elle a une réelle dimension morale, ce que j'avais un petit peu évoqué tout à l'heure. C'est aussi l'époque où s'uniformise l'heure sur tout le territoire, où les horaires deviennent plus précis, à la fois pour des visées très pratiques de transport, les chemins de fer, etc. Le travail industriel, le salariat, etc. font de la gestion du temps un des éléments centraux. À l'intérieur des couvents, on retrouve cette gestion du temps. Ce sont des pratiques, mais qui sont investies d'un nouveau sens. Donc les sœurs, enfin, les jeunes femmes, quand elles rentrent en religion, elles doivent rompre avec leurs habitudes passées et elles doivent... Il y a une période d'incorporation d'une forme de nouvelle vie quotidienne qu'on peut appréhender à travers le corpus normatif et aussi un ensemble de sources que je n'ai pas mentionnées tout à l'heure qui sont les instructions de la sœur Buchepeau. La sœur Buchepeau, c'était la sœur qui était responsable du séminaire, donc l'équivalent du noviciat. En fait, chez les filles de la charité, c'est 6 à 9 mois de formation à la maison mère, donc où les sœurs ont une vie très rythmée et où elles reçoivent des instructions. Et donc, il y a un ensemble de sources qui est son catéchisme, ses instructions, ses explications des règles, et qui sont en fait un ensemble de conseils alternés d'exemples. Donc, en fait, on peut saisir une pratique qui pouvait exister dans les maisons, et surtout toujours du sens religieux qui lui est conféré. Elle dit par exemple, donc le séminaire, c'est ce temps de formation, et la sœur Buchepeau dit « Toutes les habitudes qui nous sont données au séminaire sont saintes. » Donc, c'est un lieu d'inculcation de nouvelles habitudes, habitudes qui sont elles-mêmes sanctifiées, et dans l'habitude, elle est extrêmement positive, puisque quand on parle, par exemple, dans les lettres circulaires des vertus des sœurs, on parle toujours de la sainte habitude. Et cette connotation positive, en fait, elle fait écho à une définition qu'en donnait au XIXe siècle un philosophe qui s'appelle Ravesson, qui publie un essai qui s'appelle « De l'habitude » en 1838. Et la définition qu'il a donnée faisait assez écho en fait, à cette formation au séminaire, puisqu'il dit « L'habitude acquise est celle qui est la conséquence d'un changement ». Et effectivement, il y a changement par l'entrée de vie en religion et acquisition d'une nouvelle forme d'être, et qui est engendrée dans un être par la continuité ou la répétition de ce même changement. Effectivement, les sœurs, elles apprennent une nouvelle façon quotidienne et répétée d'être. Donc, le séminaire, c'est le moment où s'acquiert l'identité de fille de la charité, C'est un moment d'acquisition d'un habitus religieux. Et ensuite, ça doit fixer leur mode de vie, qu'elles devront ensuite reproduire de manière adaptée dans les maisons où elles seront envoyées. Donc, je ne vais pas vous refaire le descriptif de la journée, mais elles se lèvent le matin. La sœur qui les réveille dit « Au nom de Dieu, mes sœurs, levez-vous s'il vous plaît. » Elles doivent répondre « Le Saint-Nom de Dieu soit béni », puis elles s'habillent, s'agenouillent, etc. Elles offrent leur journée au Seigneur, baissent la terre en signe de bénédiction, etc. Puis ensuite, vous avez un ensemble d'offices, messes, instructions, temps de repas, avec très peu de temps libre. Et le temps libre, il est consacré à la couture ou à l'apprentissage du catéchisme, par exemple. Et elles reçoivent ces instructions quotidiennes, dont celle de la sœur Buchepeau au XIXe siècle. Donc il y a un temps nouveau qui a pris dans la vie religieuse, qui cherche à uniformiser et aussi à faire des sœurs. Le temps, il est investi de valeurs, et ce temps, il est extrêmement divisé et réglementé. Et ça, en fait, Odile Arnold, quand elle évoque la vie réglée des couvents, elle fait la comparaison avec les règlements de vie que peuvent s'imposer aussi des laïcs et des catholiques à ses zélés. Donc c'est pas non plus une pratique exclusivement réservée à la vie religieuse, mais elle acquiert d'autres sens, même s'il y a dans les deux cas un sens spirituel. Donc la notion que les sœurs invoquent, c'est celle de la régularité. Par exemple, la sœur Buchepeau dit dans sa conférence sur le lever de 4 heures et l'oraison, « Rien n'est bon à la santé comme la régularité en tout. » Donc il y a presque une dimension anthropologique en fait, de la régularité. Donc la vie des sœurs est placée sous le sceau de l'obéissance à Dieu, à la règle et à la sœur servante. Et ces instructions au 19e valorisent beaucoup le travail, l'obéissance et la régularité dans les actions. Et si elles soulèvent les difficultés des tâches, le fait que les sœurs doivent, elles répliquent que les sœurs doivent travailler sans relâche jusqu'à la fin de leur vie, lutter contre leur nature, ne pas chercher de jouissance sur terre, etc. Tout ce qui les différencie du reste des laïcs. Et elle insiste toujours sur la répétition et l'inscription dans un quotidien de leurs emplois où la répétition doit permettre la ferveur. Par exemple, donc je donne une citation qui datait de septembre 59, qui est la première conférence sur les détails de leurs œuvres. Elle dit que tous les jours vous remplissiez les devoirs de votre office, tous les jours de votre mieux, tous les jours de même humeur, et afin que vous alliez toujours croissant en ferveur, toujours agissant de mieux en mieux et au plus parfait. La vraie ferveur est sage, la vraie ferveur est forte, elle est constante, elle est soutenue, et c'est à cela qu'on reconnaît l'Esprit de Dieu qui agit, et non point un empressement naturel, car la nature n'a point de constance. Donc vous avez à la fois des considérations anthropologiques, des considérations très spirituelles, et l'insistance sur la répétition, avec des termes plus positifs que celui de routine, la constance, la régularité, etc. Puisque de manière générale, pour acquérir la vertu, il faut lutter contre le mal, et la lutte contre le mal est quotidienne. Donc c'est seulement parce qu'on lutte quotidiennement contre le mal qu'on va acquérir les vertus. Donc finalement, le quotidien répété est un moyen de progresser spirituellement dans l'acquisition et la pratique des vertus. Alors, quelles actions sont concernées par ces actes-là? Et donc, s'il y a un apprentissage de la répétition, sur quelles actions cela porte? Et donc, c'est peut-être là, en fait, qu'on peut voir un lien, peut-être, avec la routine. La sœur, donc, dit « Tous les jours se ressemblent, c'est-à-dire que tous doivent être plans. » Donc, elles doivent travailler tout le temps. Et en même temps, elle dit « tous les moments doivent être consacrés à Dieu. » Donc il y a une visée double de la journée intégralement consacrée au travail et intégralement consacrée à Dieu. Les tâches qu'elle décrit dans une maison de filles de la charité, ça donne un peu l'impression d'une ruche où toutes les activités bourdonnent. Il y a la classe des enfants, il faut préparer à manger pour les pauvres, il y a la gestion de la lingerie, de la buanderie, qui sont des très gros offices, le travail de la maison, les réponses aux pauvres qui viennent chercher les remèdes. Donc on pourrait considérer que ce sont des activités très quotidiennes, ménagères de l'époque. Mais elle pose tout de suite une première singularité, c'est celle du silence, qui doit être la marque des religieuses, enfin des sœurs, puisque leur pensée doit toujours être tournée vers Dieu. Donc, les sœurs, elles doivent faire toutes ces tâches qu'on peut considérer comme ménagères, puisque je l'avais signalé, elles n'ont pas de sœurs converses. Alors, il faut savoir que pour les filles, par exemple, de la campagne ou les femmes de milieu populaire qui rentrent dans les ordres, passer le balai et préparer un bouillon, c'est sans doute pas une nouveauté, c'est pas une rupture fondamentale avec leur vie d'avant. Par contre, peut-être que, pour une partie des femmes, la régularité de la vie religieuse et des exercices spirituels le sont davantage. Pour les femmes de hauts milieux sociaux qui, elles, n'ont jamais mis, entre guillemets, la main dans les tâches ménagères, c'est une vraie rupture avec leurs usages passés. Donc elles ont un apprentissage de tâches, d'actions qu'on pourrait considérer comme ordinaires. qu'elle prend différents exemples pour les préparer à leur vie en maison, la sœur Buchepeau. Et donc on peut retrouver les actions quotidiennes qui forment l'ordinaire des filles de la charité. Par exemple, dans le chapitre sur la régularité, elle dit « En voyant des actions fort communes et ordinaires comme balayer une chambre. » Ou alors, plus tard, elle mentionne « La sœur de cuisine a soin des provisions. On lui a confié le linge. Une troisième s'occupera des ménages. » Donc, toutes ces actions, elles sont citées. Et elles sont investies de sens, puisque l'important, c'est que tout soit dans l'ordre. Elle dit qu'en ouvrant une chambre, une armoire, on trouve chaque chose à sa place. C'est à cela qu'on reconnaît une personne qui aime Dieu et qui travaille pour lui. Donc, il y a des tâches du quotidien qui sont valorisées dans la mesure où elles sont investies de sens et un sens qui doit être en fait offert à Dieu. Donc, il y a tout un chapitre qui s'appelle « Du bon emploi de la journée ». Et donc, je vous en citer certains passages, elle dit « Une illusion assez commune est de croire qu'il n'y a de fait pour Dieu que la prière ou les œuvres purement de charité qui s'adressent aux pauvres, ce qu'on pourrait a priori considérer. » Mais elle ajoute « Tout ce que nous faisons conformément aux devoirs de notre état, et pour nous, tout ce qui est fait en esprit de soumission à la règle qui nous est imposée au nom de Dieu est fait pour lui. » Donc finalement, à partir du moment où c'est prescrit par la règle, ça devient porteur de sens. Et ensuite, elle donne les règles pour finalement, en quelque sorte, spiritualiser chaque action. Elle dit « Pour éviter toute erreur, toute indécision à ce sujet, demandons-nous dans les actions dont nous doutons. Est-ce utile? Est-ce dans l'ordre? Ou est-ce seulement pour m'amuser? Si la réponse est affirmative dans la première question, oh alors c'est l'essentiel, notre action est pour Dieu. » Quand bien même elle serait bien simple, bien commune, en apparence de peu de valeur. Mais tout ce qui est fait par ce motif de l'amour de Dieu prend aussitôt de grandes proportions. Donc la vie spirituelle permet en fait de donner du sens à des actions extrêmement communes. Et elle parle par exemple plus tard d'un exemple, elle dit « Une sœur peut aider une autre à prendre part au petit travail du ménage. » Donc tout ce corpus d'instructions montre que dans leur quotidien, les filles de la charité font des tâches très communes et très simples, qui peut les assimiler à des ménagères qui, en apparence, n'ont aucune valeur à côté du soin à proprement parler qu'elles peuvent faire. Mais quelles que soient ces tâches, elles doivent être faites pour Dieu. Et donc on peut poser la question de la singularité propre à cette compagnie, où les sœurs ne font pas que de l'éducation du service des pauvres, ne sont pas purement dans la vie contemplative. Elles sont obligées de prendre en charge des actions, et en fait, c'est comme s'il y avait un besoin de les spiritualiser. Et finalement, c'est l'identité de la compagnie qui définit le sens du quotidien. Et à ce moment-là, qui les assimile aussi à un ensemble de valeurs qui lui sont propres, puisque pour les filles de la charité, l'obéissance et la vie cachée, qui est en gros les petites actions du quotidien qu'on fait hors du regard des autres, sont des vertus et des principes qui sont extrêmement forts pour elles. Et donc toutes ces injonctions se font au son de la cloche. On répète encore aux sœurs, habituez-vous à avoir dans la cloche la volonté du Seigneur. Donc là, c'est une scansion classique de la journée qu'on retrouve aussi dans les campagnes du 19e siècle. Mais ici, la cloche, elle doit rappeler à Dieu et appeler à l'exercice. Donc, dans l'univers religieux, chez les filles de la charité, il y a un champ lexical de l'habitude qui est présent, une inculcation d'un rythme religieux qui passe aussi par sa sanctification. Les tâches peuvent, dans leur répétition, surtout quand elles ne sont pas orientées vers le service des pauvres, devenir routinières. Dire que je ne suis pas sûre que toutes les sœurs qui passaient le balai, inconstamment tout au long de leur vie, l'offraient à Dieu, en fait. Il y a des moments où, voilà, ça, je n'ai pas forcément les sources là-dessus. Ça peut être, par ailleurs, il y a d'autres tâches où elles pouvaient trouver un sens autre que religieux, et un sens de satisfaction plus professionnelle, que ce soit dans l'enseignement ou dans le service des pauvres. Donc, de manière générale, on pourrait dire qu'il y a des conditions de possibilité de l'instauration d'une routine, par le rythme fixe de l'emploi, par les tâches ordinaires, par la répétition tous les jours sans fin. Et du coup, au début, j'avais pensé que la routine, sans avoir travaillé sur son sens pour la communauté, pouvait être un idéal, puisqu'elle permettait la répétition. Et suite à la discussion des sœurs, je me suis demandé si ce n'était pas finalement un danger. Donc du coup, c'est la dernière partie que je voulais traiter. Donc l'idéal d'une action répétée dans le quotidien, c'était un peu mon idée première. Et en voyant les sources, et en prenant en compte le sens que les sœurs donnaient à la routine, elle apparaît plutôt comme un danger pour la vie religieuse. Donc ça nous invitait à penser la routine comme quelque chose qui pouvait advenir dans leur quotidien, mais d'un autre sens que le sens profane qu'on pouvait lui donner. Le problème, c'est que c'est un terme qui est très peu présent dans les sources. Alors j'ai pas relu l'intégralité de mes sources, mais je l'ai vu seulement deux fois. Et à chaque fois de manière négative, rejoignant par là même la vision qu'en donnaient les sœurs. A contrario, comme il n'y a pas de discours positif, je vais vous prendre quelques exemples où on voit que tout se passe bien. Donc il faut voir un peu quels sont les termes utilisés. Il faut savoir aussi que la routine, ce n'est pas le seul problème qui peut exister dans les communautés religieuses, puisqu'il peut y avoir des problèmes sur des problèmes de caractère, de mésentente entre les sœurs, enfin voilà, Mais c'est une question qui peut surgir. Alors, il y avait la définition de l'ITRE de la routine. Il fait plusieurs définitions, dont une qui est procéder en quelque chose mécanique pour faire ou apprendre. Et surtout, il pose cette définition usage consacré depuis longtemps de faire une chose toujours de la même manière, sans s'éclairer par la théorie. Et je me suis demandé si on pouvait remplacer par sans s'éclairer par la pensée de Dieu ou la valeur spirituelle de l'action. Et effectivement, quand on regarde une source, on voit que la routine est un vrai danger puisqu'on perd le sens spirituel. Alors, aux Hospices des Incurables Hommes, la sœur Leckett, qui est l'économe de la compagnie, fait une visite en novembre 1855 et elle note « Il m'a semblé que parmi nos sœurs, il n'y avait pas cet esprit de piété qu'il serait à désirer parmi les filles de la charité. Elles sont régulières, zélées pour leurs emplois, qu'apparemment tout va bien, mais il y a une certaine routine à laquelle elles s'attachent plutôt qu'un véritable esprit intérieur. » Alors après, elle dit « Cela tient, je crois, à la direction de la sœur, qui m'a paru très bien sous le rapport administratif, mais qui laisserait un peu à désirer pour le spirituel. Toutefois, nos saintes règles y sont observées, la répétition d'oraison et la conférence s'y font chaque semaine, le quart d'heure, toujours en silence. Il est vrai de dire que le personnel de cette maison est bien peu propre à comprendre les avantages de la vie intérieure. La plupart sont bonnes filles, mais elles se font quelquefois souffrir, soit par défaut d'éducation, soit par la trempe de leur caractère, peu susceptible d'être réformées. » Donc, en fait, on voit finalement que la routine, c'est une question un peu compliquée, puisque les actes des sœurs sont faits de manière régulière, ils sont faits correctement puisqu'on dit qu'elles sont zélées, mais dans le discours, on oppose la pratique routinière et la présence d'un esprit intérieur. Et donc, en fait, pour les sœurs, la routine désigne l'absence de dimension spirituelle. Et là où est la réelle difficulté, c'est que même les règles et leur application, puisqu'elle dit « nos saintes règles y sont observées », ne suffit pas à garantir la vie intérieure. Ça veut dire que même l'ensemble du corpus normatif et de toutes les inscriptions et même les actes de vie religieuse qu'elles pourraient avoir ne permettent pas forcément toujours d'investir dans le sens spirituel les tâches qu'elles ont à faire. Et finalement, ce serait peut-être une disposition des individus et aussi de la direction qu'elles reçoivent. Donc cette importance de la vie spirituelle, elle est finalement assez compliquée à maintenir. Alors, il faut savoir que c'est le seul cas que j'ai trouvé dans mes archives. Et la seule autre mention de la routine, c'est dans une des instructions de cette fameuse sœur Buchepeau sur la lecture spirituelle, où elle dit, et là c'est intéressant, que la routine peut aussi toucher la vie spirituelle. Par exemple, « Vous, trop souvent, commencez la prière sans vous être mise en présence de Dieu. Vous faites le signe de la croix par routine. Vous répondez « Amen » sans savoir ce que vous dites. Extérieurement, vous faites comme les autres, mais vous n'avez pas prié. » Donc même les signes de la pratique religieuse peuvent perdre le sens qui normalement doit leur être conféré. Donc finalement, la routine apparaît comme une disposition intérieure. Routine, c'est mécanique sans y réfléchir, et elle pourrait servir à qualifier l'absence de présence à Dieu dans les actions et de sens spirituel, aussi bien dans la vie religieuse que dans la vie, dans les tâches pratiques. Alors, il y a plusieurs remèdes à cela. Alors déjà, pour Vincent de Paul, il y avait trois pratiques. Il y avait l'oraison quotidienne, donc la mise en présence de Dieu, la messe et la retraite annuelle. Et plus généralement, quand elles sont formées, on dit aux sœurs que tous les exercices spirituels peuvent être gênés par la marche de la maison, mais toutes les activités peuvent être spiritualisées. Elle dit on peut faire oraison dans une salle de malade ou quand on parle à ses pauvres. Dans ces circonstances, on se contente d'élever son cœur vers Dieu par un acte intérieur seulement. Et en fait, ça suffit. Donc, on peut faire une oraison perpétuellement, et ça peut permettre finalement de pallier ce risque. Il y a d'autres dispositifs qui sont mis en place pour faire en sorte que la vie spirituelle se déroule concrètement et qu'on ne tombe pas dans la routine. C'est par exemple, si on a une bonne sœur servante, comme c'est le cas aux Incurables Femmes en 1855, où la sœur dit « Nos saintes règles sont parfaitement observées, ainsi que tous les pieux usages rétablis dans la communauté, ma sœur Huré s'occupe avec zèle de l'avancement spirituel de ses compagnes. » Donc on voit qu'il y a une prise en charge, en fait, et une formation qui doit se poursuivre au-delà du temps du séminaire. Elle dit, quand elle s'adresse aux sœurs, « C'est en effet une bien douce jouissance pour nous de voir les différentes maisons de la compagnie constituées sur les bases inébranlables de la régularité. C'est une consolation pour moi de penser qu'il en est ainsi parmi vous, y ayant vu la règle fidèlement observée, et nos chers maîtres, donc les chers maîtres ce sont les pauvres, servis avec cet esprit de foi qui vivifie et féconde les services que nous leur rendons. » Donc, en fait, à la fin, elle leur recommande d'être attentive, mes chères filles, de reproduire dans votre conduite ces différentes vertus, qui sont l'humilité, la simplicité, l'obéissance, que toujours vos actions, les plus petites comme les plus grandes, soient toutes faites avec les sentiments de l'obéissance, et en fait, partout, d'être en présence de Dieu. Donc, finalement, les vertus s'acquièrent par leur pratique répétée et régulière, et ces conseils rejoignent les instructions spirituelles que les sœurs ont reçues au séminaire. À Notre-Dame de Lorette, la même année, il y a pareil un éloge de la vie régulière et spirituelle. Et juste pour vous montrer les termes qui étaient employés, elle dit « La continuation de cette ponctualité qui vous assure aussi des grâces toutes particulières, car combien notre divin sauveur ne se plaît-il pas dans la fidélité de ses épouses ?» Donc, on trouve le mariage comme des sœurs qui ont épousé le Christ. « Cette exactitude qui fait tout quitter au son de la cloche pour répondre à la voix paternelle et divine. Cette générosité qui sait surmonter la nature pour correspondre toujours à sa grâce par l'accomplissement de la règle et des saintes pratiques enseignées par notre saint fondateur. » Donc voilà, il y a véritablement, en fait, une idée que les règles doivent être respectées et que la vie spirituelle, finalement, doit être première. Et ça rejoint l'analyse qu'avait fait Yann Raison du Clusiou sur les pratiques dominicaines, où il montrait bien que chez les dominicains, l'enjeu central était de vivre la règle et non seulement de la faire mécaniquement. Puisqu'il dit « Le sens du devoir est construit par le devoir du sens que les frères doivent prêter à leur moindre pratique. » C'est-à-dire, finalement, de ne jamais vivre leur fonction sur un mode séculier. Ce qui peut être, finalement, le risque d'une vie où la majeure partie du temps est consacrée à des tâches assimilables au monde séculier et qui doivent être réalisées sur un autre mode et, en fait, avec un autre sens. Et de manière beaucoup plus pratique, ce qui pouvait aussi se passer dans les maisons des filles de la charité, c'est que les sœurs changent de service. Donc, comme ça, il n'y avait pas de création de la routine, puisque finalement, elles étaient quelques semaines, quelques mois à la cuisine, puis ensuite, elles passaient au ménage, etc. Et le dernier point que je voulais soulever, c'était, jusqu'à présent, on pourrait avoir l'impression que la norme vient, en fait, des textes, et que le quotidien, même s'il est valorisé parce qu'il peut acquérir un sens spirituel, ne serait qu'une incarnation de la norme. En fait, c'est pas vrai. Pour deux choses. Alors d'abord, la première chose, c'est que le quotidien est analysé sous l'ordre spirituel. Dans leurs visites régulières, c'est le volet du spirituel où on voit des choses du quotidien. Par exemple, nos sœurs sont bonnes filles de la charité, elles observent bien les règles, on se lève et on se couche exactement à l'heure. L'ordre du jour est bien observé. Donc tout ce qui décrit la régularité et la vie quotidienne fait partie de la case spirituelle dans l'évaluation. Et l'autre chose, c'est que le quotidien peut être source de normes et qu'il n'y a pas une dévalorisation des pratiques acquises dans le quotidien qui peuvent être adaptées aux différentes maisons et aux différents emplois. Et cette norme, elle s'adapte. En témoigne, à la fin des années 1840, la rédaction du coutumier chez les filles de la charité. Donc il y a un coutumier qui est fait pour la maison mère qui est le lieu central. Donc l'idée, c'est de revenir à l'esprit primitif. Le coutumier, c'est ce qui règle encore plus en détail tout le quotidien et toutes les pratiques d'habillement, de repas, d'office, etc. Et en avril 59, on décide de faire le coutumier pour les maisons particulières, donc qui sont différentes, et on demande aux sœurs de toutes les maisons de remplir un questionnaire concernant leurs œuvres et les usages établis dans les maisons. Ça veut dire qu'il y a déjà des pratiques différenciées, et qu'ensuite, c'est ces pratiques-là qui vont servir à établir une norme pour uniformiser l'ensemble des maisons. Donc on leur pose une question, enfin, un ensemble de questions, par exemple. Y a-t-il une cloche pour le réveil et qui est chargé de la sonner? Quelle est la formule adoptée pour le réveil des sœurs? À quelle heure commence et se termine l'oraison? Que prend-on au petit déjeuner? Qui préside les exercices? Y a-t-il des sœurs obligées de dîner avant ou après les autres? Comment font-elles la lecture d'usage? Quel est l'ordinaire de la maison, donc ses repas? Où se fait la récréation? Comment se fait le quart d'heure qui précède la prière? Qui est chargé de fermer les portes et à qui remettons les clés de la maison? Donc c'est tous les éléments du quotidien. On demande aussi la même chose pour chaque semaine et chaque mois. Et en fait, c'est à partir de ce questionnaire qui est rédigé le coutumier des maisons particulières, qui est publié en 1862 et qui est ensuite renvoyé dans toutes les maisons. Et l'idée, c'est de concilier les œuvres avec la vie religieuse, de maintenir une uniformité au sein des maisons, toujours dans une fidélité au fondateur et à la règle originelle, et en rappelant l'esprit de l'État, à savoir l'État religieux. Donc il y a forcément toujours un idéal de la régularité et aussi de l'ordre, mais du coup, jamais de la routine. Donc pour conclure, on voit que dans cet univers, il y a un ensemble de termes qui désignent les habitudes, les coutumes, les règles, l'organisation du quotidien, avec très peu de présence du terme de routine chez les filles de la charité, où il est connoté négativement. Donc ce que nous, on désigne comme routine, à savoir des actions ordinaires répétées, est investi d'un sens qui transforme les actions du quotidien, Alors, ça a un sens spirituel et ça permet la sanctification de la sœur, ça permet de réaliser le service des pauvres, ça permet de gérer une communauté. Mais le mot profane, il a un sens autre dans le monde religieux. Dans le monde religieux, on associerait peut-être, en tout cas chez les filles de la charité, le sens de la régularité pour voir cette action répétée. Donc, c'est un peu finalement quelque chose qui surgit en étudiant ces univers-là, c'est que les mots ont un sens différent dans le monde religieux que dans le monde profane, en fait. On peut se poser la question de est-ce que les sœurs passaient toujours le balai ou préparaient un bouillon, parfois comme les femmes de leur époque, parfois avec un autre sens. Ça, je ne peux pas vraiment le savoir, et puis en plus, ça pouvait changer à chaque fois. Enfin, c'est très compliqué. Par contre, ce que les sources nous donnent à voir, c'est qu'on leur enseignait une façon différente de le faire et surtout de le vivre, et que c'était un moyen de transcender un quotidien qui était quand même extrêmement difficile. Parce que les règles montrent que leur vie est contre nature. Tout le temps, il faut lutter contre la nature pour se lever, pour travailler jusqu'à ce qu'on ait fini de... Enfin, jusqu'à la mort, en fait. Donc ça, c'est ce qu'on leur enseigne. Le mot de routine, il prend son sens que dans un ensemble plus vaste de termes et de vertus qui sont propres à l'action de la compagnie et qui fait écho à son identité. Parce que je pense que dans une autre communauté apostolique où il y a moins de tâches ménagères, peut-être que le mot n'aurait pas le même sens. Donc, à la fin, j'aurais pu être tentée de conclure en disant que la routine avait un sens négatif dans le monde religieux. Ça me paraissait assez explicite. Et en fait, je peux pas. Parce que... Chouette. Parce qu'en fait, j'ai eu au téléphone une sœur d'une autre communauté religieuse, une communauté d'Ursuline, donc c'est un ordre religieux, mais ce sont des enseignantes. Et j'ai dit naïvement, que pensez-vous de la routine ? Et elle m'a dit, mais c'est extrêmement libérateur. Oh. Et elle m'a dit, non, la routine, ça libère. Si on est obligé de faire attention à tous les actes de l'existence, on est tendu par toutes ces obligations et on zappe le reste. Et je lui dis, mais vous trouvez pas que la routine, c'est négatif ? Elle me dit, ah ben non, pas du tout. Enfin, regardez, chez les bénédictins, chez les trappistes, la routine, elle est inscrite dans leurs règles, c'est normal, la routine, ça libère. C'est vraiment le mot qu'elle a employé à plusieurs reprises. Elle dit, la routine, c'est nécessaire, ça favorise la vie de communauté, c'est une évidence, ça libère l'esprit. C'est comme de lasser ses chaussures le matin. Et je lui disais, mais alors, dans les temps religieux, etc., c'est pas compliqué ? Elle me disait, mais non, pas du tout, ça vous libère l'esprit, vous pouvez penser à autre chose, à une lettre que vous avez envie d'écrire, à une ouverture, à une rencontre, etc. Voilà. Donc, finalement, je me suis rendu compte que même ces mots n'avaient pas le même sens pour tous les religieux. Et du coup, quelle conclusion en tirer ? Peut-être que l'essentiel, c'est que dans ces univers-là, l'idée, c'est d'être détaché des choses contingentes, de la gestion de l'organisation temporelle, pour finalement être disponible pour la vie spirituelle. Et c'est un peu ce qui ressort des deux discours. Alors, pas forcément avec les mêmes termes, mais en fait, finalement, c'était le sens qui permettait de le voir. Et l'autre aspect qu'on peut en tirer, c'est que finalement, dans ces univers religieux, on retrouve un ensemble d'actions qui sont similaires au monde laïque, mais qui, d'une part, sont pas... énoncés avec le même vocable, et en plus, qui sont surtout pas pensés et investis des mêmes sens. Voilà.